بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نكمل اليوم ونواصل في شرح حديث جابر رضي الله عنه. Aujourd'hui on continue l'explication du hadith de Jabir رضي الله عنه. On relit le hadith donc Jabir رضي الله عنه qui dit: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة. J'ai assisté avec le prophète صلى الله عليه وسلم au jour du عيد. Il a commencé par la prière avant le sermon, avant la خطبة, sans qu'il n'y ait de أذان ni de إقامة. ثم قام متوكئاً على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته. Ensuite, il s'est appuyé sur Bilal et a ordonné de craindre Allah tabaraka wa ta'ala et a incité à lui obéir. ووعظ الناس وذكرهم. Et ensuite, il a donc fait des recommandations aux gens, il leur a fait le rappel. ثم مضى حتى أتى النساء فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ. Et ensuite, il est parti jusqu'à ce qu'il arrive au niveau des femmes et qu'il leur fasse des recommandations et qu'il leur fasse le rappel. Il dit: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَا فَإِنَّ كُنَّ أَكْثَرُ حَطَبِ جَهَنَّمِ. Il a dit: oh les femmes, faites beaucoup d'aumônes, car vous êtes le plus grand nombre des gens de l'enfer. فقامت امرأة من وسط النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله. Alors une femme s'est levée du milieu des femmes avec les joues colorées et a dit: pourquoi, ô messager d'Allah? فقال لي أنكن تكثرن الشكاء وتكفرن بالعشير. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant: parce que vous vous plaignez beaucoup et vous êtes ingrate envers les époux. Qala faj'alna yatasaddaqna min huliyihinna yulqina fi thawbi bilalin min akratihin wa khawatimihin. Ensuite il dit, donc le rapporteur, le narrateur, il dit: donc alors les femmes ont commencé à faire, à donner leurs colliers en aumône et à jeter dans les vêtements de Bilal leurs bagues et leurs boucles d'oreilles. Ra'ayna bil ams anna an-nisa akthar hatab jahannam wa dhalika li kathrati tashakkihin wa kufrihin bil ashir. Hier, on a vu que les femmes font donc sont le plus grand nombre des gens de l'enfer. Et on a vu les raisons qui ont été citées, parce qu'elles se plaignent beaucoup et aussi par leur, à cause de leur ingratitude envers leurs époux. Wa qabla an nuwasil awaddu ya ikhwa an nata'ammala fi mukuthina fi hadhihi al-bilad. Et avant de continuer, je voudrais qu'on médite, aux chers frères, sur le fait que nous restions dans ces pays. Anta bi baqa'ika fi hadhihi al-bilad tadurru ahlaka wa zawjak. Par le fait que tu restes dans ces pays, tu vas faire du tort à ta famille et à ton épouse. لأن البيئة تدعو المرأة إلى الاعتقاد بأنها تساوي الرجل وتستغني عنه. Car l'ambiance qu'il y a ici appelle la femme à croire que, en réalité, elle est égale à l'homme, elle est égale à son époux, et qu'elle peut très bien se passer de lui. كم نسمع من النساء اليوم هذه تقول لا أريد زوجا. Combien de fois, ça arrive souvent, on entend les femmes qui disent: ah, moi, je ne veux pas d'époux. أجلس في بيتي وحدي خير لي. Je m'assieds chez moi, je reste chez moi seul, c'est mieux pour moi. Il y en a combien qui disent ça aujourd'hui ici? وهكذا ينتشر الزنا من حيث لا نشعر. Et c'est comme ça que la fornication se propage sans qu'on le sente. فالرجل يبقى مع أهله في هذه البلاد ثم في الأخير هي تريد أن تقعد وحدها تقبض مساعدات الدولة وتستغني عن زوجها. Et donc cet homme, il va rester ici avec sa femme pendant une longue période et ensuite à la fin, elle va vouloir rester toute seule à la maison, bénéficier des aides de l'État et se passer de son époux. Ya akhi, ya akhi, la taloumanna illa nafsak. Et donc ne blâme que ta propre personne. Firru min hadhihi al-bilad qabla an yadkhula ash-shaytan fi buyutikum. Et donc fuyez de ces pays avant que Shaytan ne rentre dans vos demeures. Wa hadha al-hadith istadalla bihi man yara min al-ulama أن ستر المرأة وجهها ليس بواجب. Et ce hadith qu'on a vu aujourd'hui, le hadith de Jabir, les savants qui voient que le fait que la femme couvre son visage n'est pas une obligation, ils se sont appuyés sur ce même hadith qu'on étudie aujourd'hui. وذلك لأن الراوي ذكر المرأة سفعاء الخدين والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها. Cela parce que le narrateur, celui qui rapporte le hadith, il a décrit que cette femme avait les joues colorées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas fait le reproche. فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ وَجْهَهَا لَمْ يَكُنْ مَسْتُورًا. Et donc cela nous montre que le visage de cette femme n'était pas couvert, n'était pas caché. وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا دليل على عدم الوجوب. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas blâmé cette femme montre que cela n'est pas obligatoire. Il ne lui est pas obligatoire de couvrir son visage. واستدلوا ايضا بما اخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل ابن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته. Ils se sont aussi appuyés pour dire cela, que le sitar n'est pas obligatoire. Ils se sont aussi appuyés sur le hadith qu'a cité le Bukhari et Muslim dans leur sahih, selon ibn Abbas radiallahu anhuma, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris al-fadl ibn Abbas comme accompagnateur ou comme passager avec lui sur sa monture. Wa kana al-fadl rajulan wadi'an. Et al-fadl était un homme, était un bel homme. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم, il s'est arrêté pour faire des fatwas aux gens, les gens qui posaient des questions par rapport aux rites et autres. Et donc le prophète il répondait aux questions des gens. وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة. Et donc une femme de خثعم, elle est venue et elle était belle. تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Elle est venue donc interroger, poser des questions au prophète, au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. فتفيق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها. الفضل s'est alors mis à la regarder et il a été donc il appréciait sa beauté. أعجبه حسنها. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم il s'est tourné et الفضل lui il la regardait. فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم il a tourné sa main dans son dos et a pris donc le menton de الفضل. Il a pris le menton d'Al-Fadl et l'a tourné, il l'a détourné du visage de cette femme. Il l'a détourné du fait de regarder cette femme. Dans certaines narrations, il est cité qu'Al-Fadl était d'un côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a retourné et qu'Al-Fadl il est allé donc de l'autre côté. Et que le prophète il l'a retourné à nouveau. Et donc, fait هذا الحديث ظاهره أن تلكم المرأة لم تكن مستورة الوجه. Et donc, ce qui est apparent de ce hadith, c'est que cette femme, elle n'avait pas le visage couvert. ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع كونها وضيئة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui a pas fait le reproche alors qu'elle était belle. Wa innama sarafa wajha al-fadli anha. Cependant, ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il a détourné le visage de l'fadl afin qu'il ne puisse pas la regarder. Amma al-ulama الذين قالوا بوجوب ستر المرأة وجهها فاستدلوا بآيات من كتاب الله. Les savants qui se sont appuyés, les savants qui voient qu'il est obligatoire à la femme de couvrir son visage, ils se sont appuyés sur certains versets du Coran, du livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala qui dit وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. Et lorsque vous leur demandez quoi que ce soit, alors demandez-leur derrière un voile. Ceci est plus pur pour vos cœurs et les leurs. Ils se sont aussi appuyés sur la parole d'Allah, Tabaraka wa ta'ala, wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihin wa abaihin al-aya. Et qu'elles ne montrent leur beauté zina, qu'elles ne montrent leurs atouts qu'à leurs époux et leur père, et ensuite les autres qui ont été cités dans le verset. Ils nous disent ici, qu'est-ce qui est le plus beau chez la femme? Son visage. Ils nous disent, ce qui est le plus beau chez la femme, c'est son visage. Ils se sont aussi appuyés sur la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, « Ya ayyuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, yudnina alayhinna min jalabibihin, dhalika adna an yu'arafna fela yu'zayn. » Ô prophète, dis à tes épouses, ainsi que tes filles et les épouses des croyants, de rabattre sur elles leur jalabib, leur voile. Ceci est mieux pour qu'elles soient reconnues et qu'il ne leur soit pas fait de tort, d'injustice. Ils nous disent, les savants, le verbe qui a été utilisé ici, yudnin, c'est le fait de rabattre sur le corps un voile. Et donc cela englobe aussi le fait de le rabattre sur le visage. واستدلوا ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المراه عوره. Ils se sont aussi appuyés sur le hadith, la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il dit la femme est une intimité, la femme entière donc est une intimité, nous ne devons pas la regarder. فالمساله خلافيه بين اهل العلم وَالْأَدِلَّةُ مِنَ الطَّرَفَيْنِ. Et donc, le sujet est un sujet de divergence entre les savants, et il y a des preuves des deux côtés. وَلَا شَكَّ أَنَّ كَوْنَ الْمَرْأَةَ تَسْتُرُ وَجْهَهَا أَفْضَلُ لَهَا وَلِمَنْ حَوْلَهَا مِنَ الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ الَّذِينَ قَدْ يَرَوْنَهَا. Et il n'y a nul doute que le fait que la femme cache son visage, cela est mieux pour elle et pour ceux qui sont autour d'elle, parmi les hommes étrangers qui peuvent la voir. Khassatan anna nisa an-nabi anna azwaj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kunna masturat al-wajh. Particulièrement que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam se cachaient le visage. Même dans Sahih al-Bukhari, Aisha radhiyallahu anha, qui nous dit donc qu'elle a, lorsqu'elle a entendu cet homme se rapprocher d'elle, elle dit donc fakhamartu wajhi, j'ai caché mon visage. Et énormément de preuves donc qui montrent que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles se cachaient le visage. Et donc je dis ça, c'est ce qui est mieux pour la femme. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. En ce qui concerne la vie le plus Donc, le plus juste, est-ce qu'il est obligatoire ou pas? فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى يُعِنُكُمْ أَمَّا مَنْ يَكُولْ إِنَّ سَتْرَ الْمَرْأَةِ وَجْهَهَا لَيْسَ مِنَ الدِّينِ بَلْ هُوَ مِنْ عَادَاتِ بَعْدِ الْبُلْدَانِ فَلَا يَكُولُ هَذَا الْكَلَامِ إِلَّا مَنْ فِي قَلْبِهِ مَرَضٍ أو من لم يشم رائحة العلم ولم يفتح kutayyib fi hayatihi. Et les seules les personnes qui vont nous dire que le fait que la femme cache son visage, cela ne fait pas partie de la religion, mais au contraire, cela vient de la culture de certains pays. Hein? Les seules personnes qui vont nous dire ces paroles-là, ce sont des personnes qui ne connaissent, qui ont des maladies dans leur cœur. Ou alors, des personnes qui n'ont pas senti l'odeur de la science, qui n'ont pas ouvert ne serait-ce qu'un petit livret pour apprendre leur religion. Une fois, j'ai entendu une femme qui, selon ses dires, s'était convertie depuis 5 ans à peu près. Depuis 5 ans à peu près, elle s'était convertie à l'islam, selon ses dires. Elle a commencé à débattre sur le sujet. De toute façon, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui font partie de la culture. C'est de la culture, comment ça? Oui, vous savez, le sitar et tout, ça c'est la culture ça. C'est pas l'islam. Excusez-moi, vous priez? Vous priez? Cette femme depuis 5 ans, elle prétend qu'elle s'est convertie. Non, j'ai pas encore commencé, mais avec le travail c'est difficile, mais Inch'Allah, Inch'Allah. Taïb, t'as pas encore commencé la salade. Tu es déjà arrivé au fait de nous dire que sitar, ça fait partie de la culture, que c'est pas dans la religion. Qu'est-ce que tu vas voir quand tu vas y aller à l'épreuve qui montre que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisaient, etc. Ça fait partie de la culture? Qu'est-ce que tu feras quand tu verras l'épreuve des ulama qui montrent le fait de se couvrir le visage? Ça fait partie de la culture? Est-ce que tu lis le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala avec l'explication des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abbas, qui explique les versets que nous avons cités et qui nous dit que cela est la preuve que la femme doit couvrir son visage et laisser apparaître un œil pour qu'elle puisse voir devant elle? Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Et ensuite, ils vont nous dire non, ça fait partie de la culture. Wa fil hadith aidan anna al mar'a قد تتصدق بمالها دون إذن زوجها. Il y a aussi dans ce hadith le fait que la femme peut utiliser son argent pour le donner en aumône sans pour autant avoir la permission de son époux. Sans pour autant avoir la permission de son époux. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألهن هل استأذنتن من أزواجكن. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne leur a pas demandé, avez-vous demandé l'autorisation à vos époux? وَكَذَلِكَ لَمْ يَأْمُرْهُنَّ بِذَلِكَ. Et aussi le prophète, il ne leur a pas ordonné de le faire. Et pourtant les femmes ont commencé à ce moment-là, dans le hadith, comme on l'a vu au début, les femmes ont commencé à donner leurs bijoux en aumône. Et donc, voilà pour ce hadith, inshallah ta'ala, et la semaine prochaine, bi'idhnillah, on va essayez de terminer le chapitre, وفق الله الجميع, le sous-chapitre, وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وجزاكم الله خيرا.